Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous regardez ou vous écoutez votre podcast qui transpire le catch comme toutes les semaines. On va discuter de Monday Nitro, l'émission phare de la WWE. Pour m'accompagner, mon bon ami l'incroyable Hank. Comment ça va Hank? Déjà mort de rire? C'est la catastrophe. Ça a merdé déjà d'entrée? C'est la catastrophe. C'est la catastrophe aujourd'hui. Oui, non, mais ça va, ça va. C'est juste que c'est juste qu'en fait que quand j'ai pas ta fenêtre Skype d'ouverte, en fait ton image est figée. Donc du coup, petite intro était un petit peu. Très figé. C'était très figé, c'est très statique. Plus d'émotion, s'il te plaît. J'essaie de faire mes plus beaux sourires figés pour vous, si vous nous regardez à la vidéo. Voilà. Bon, alors vous avez compris, c'est un peu le chaos aujourd'hui, mais on va Ouais. essayer d'y arriver C'est quand même. pour ça que vous voyez la mise en scène, la mise en page est un petit peu bordélique. Mais bon, Voilà, ouais, on on n'est fera pas mieux toujours la au semaine prochaine. top. On fera mieux la semaine prochaine, bien mieux. Donc C'est soyez notre là la semaine slogan. prochaine et C'est notre ramenez-vous. slogan, on fera mieux la semaine prochaine. Voilà, catch up, on fera mieux la semaine prochaine. Alors, on est là pour parler du Monday Nitro du 5 février, hein, qui se passait à Des Moines, dans l'Iowa. 5 février, une bien belle journée, hein, parce que c'était mon anniversaire, mais on s'en fout. Ah, bon anniversaire! Ah bah Putain, merci, c'est gentil. mais j'étais pas au courant. J'ai pas ouvert Skype ce jour-là, à mon avis. Ouais, tu vois. Bah oui, hein, écoute. Bon, avec quoi on démarre ce Monday Nitro? Avec Roman Reigns et Bray Wyatt pour un match de qualification pour l'Elimination Chamber. Bray Wyatt, ce bon vieux Bray Wyatt nous rappelle qu'il a gagné l'année dernière déjà l'Elimination Chamber. Hein, tout le monde a oublié, mais lui, il s'en souvient. Il nous rappelle que effectivement aussi Roman Reigns et sa némésis. Hein, ça aussi, on avait oublié. Ils se sont affrontés il y a longtemps. Hein, il avait cette fameuse phrase, Anyone but you, Roman. Bray Wyatt à l'époque, il avait empêché Roman Reigns de gagner le Money in the Bank notamment. Et ce soir, donc, il affronte ce raté de Roman Reigns qui n'en finit pas de perdre. Hein, il a perdu son titre intercontinental il n'y a pas longtemps. Il n'a pas gagné le Royal Rumble, etc. C'est la spirale de la défaite pour Roman Reigns et au fond de la spirale de la défaite, il y a bien pire que de perdre qui attend Roman Reigns. Il y a Bray Wyatt, le mangeur de monde. Lui, Roman Reigns, il fait aussi sa petite promo. Hein, c'est des promos face caméra, comme ça. Roman Reigns, lui, il est dans les vestiaires. Bray Wyatt, il est dans son monde à lui. Roman Reigns nous donne sa définition de la défaite, pardon, et il nous informe qu'il est instoppable. Matt Hardy va observer le match depuis les coulisses. Alors bon, c'est un classique Bray Wyatt Roman Reigns avec pas mal de tentatives de Sister Abigail et des petits bisous sur le front. Petit bisou. La foule est derrière Bray Wyatt hein, quand même massivement, mais Roman gagne avec un spear porté au menton de Bray Wyatt. Victoire donc de Roman Reigns qui se qualifie pour l'Elimination Chamber. Matt Hardy arrive par derrière à la fin du match. Il attaque Bray Wyatt, il porte un twist of fate. Donc, Roman Reigns se qualifie pour l'Elimination Chamber. La rivalité Woken Matt et Bray Wyatt n'est pas terminée. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, mon bon Hank? C'était un. J'ai bien aimé le match. Je trouvais que c'était vraiment un plutôt bon match. Bon, allez, après, c'est un peu désespéré de dire ça, mais ça fait plaisir de voir un bon match de Bray Wyatt. Enfin, de voir Bray Wyatt dans un bon match. C'est plutôt ça la formulation. Après, bon, c'était assez évident, mais j'ai trouvé qu'au moins ils ont laissé l'opportunité à Wyatt de quand même d'être à peu près crédible dans le ring. Il y a eu pas mal de comptes de deux ennemis. Hein. Enfin, il y en a eu bien deux ou trois. Après, ce qui est dommage, enfin, ce qui est remarqué par les analystes de l'interweb, c'est que Roman Reigns il sort du Sister Abigail tranquillement, comme ça, quoi. Donc, bon. Mais voilà, c'était attendu. On sait très bien que Reigns sera dans les deux derniers de l'Elimination Chamber. Je sais pas, est-ce qu'il va Ouais, en tout cas, il gagner? y avait de fortes chances qu'il gagne le match ce soir Ah oui, non, pour mais là, c'est ouais, intégrer même l'Elimination plus Chamber, contre Bray Wyatt, c'est même plus une chance. C'est donné. Voilà. Alors on est un peu sur les deux échecs scénaristiques de la WWE, j'ai envie de dire Bray Wyatt et Roman Reigns, hein, c'est les deux qui n'ont pas atteint leurs objectifs un petit peu. Moi, j'ai ouais. beaucoup de mal à rentrer dans le match, mais bon, c'était pas, il y avait rien d'honteux, mais non, mais j'ai trouvé que le match devenait commençait à être intéressant vers la fin et j'ai trouvé que c'était qu'ils avaient fait quand même un effort pour un match qui clairement est pas censé valoir grand chose parce que tout le monde sait le résultat et c'est un peu une formalité. Donc voilà et on verra plus tard que Bray. Enfin bref, on parlera de ça, mais Bray n'en a pas fini de perdre. C'est ça. Et encore, le chemin est long vers la fin de carrière. Alors, Jason Jordan et Seth Rollins sont dans les vestiaires. Donc, on a un peu des doutes hein, sur les capacités physiques de Jason Jordan. Est-ce qu'il est apte à catcher? Est-ce qu'il est encore blessé? Jason Jordan rassure Seth Rollins. Il dit ce soir, c'est bon. On récupère le titre tag team. Je suis là pour toi. Aucun souci. On reviendra là-dessus un peu plus tard dans l'émission. Puisque là c'est l'heure d'un match tag team, Gallows et Anderson qui précède Finn Balor arrive au ring, The Revival arrive au ring également, c'est censé être un contre un Finn Balor contre Scott Dawson je crois, ouais. Mais Scott Dawson, The Revival, c'est des spécialistes du tag team, donc ce soir ils proposent plutôt à Finn Balor un match tag team, choisis ton partenaire parmi tes deux acolytes, ce sera Karl Anderson, donc on a Finn Balor, Karl Anderson contre The Revival, victoire du Balor Club sur coup de grâce hein, de direct de Balor, résumé que voilà, il hein, y a eu des petites malversations de The Revival, il n'y a rien à retenir de spécial, défaite du Revival, mais bon... pas honteuse puisque c'est contre Baylor et compagnie. Par contre, toujours pas de rivalité sur long terme pour qui que ce soit dans cette histoire. Ouais, en effet, je suis juste en train de changer le visuel des trucs. Donc du coup, ce match, moi, personnellement, de mon côté personnel, de mon opinion, j'en ai marre. Qu'on enfonce les revivals. J'en ai marre qu'on prenne les revivals pour les punching balls du Bullet Club. Le Bullet Club, je suis désolé parce que je comprends tous les gens qui les ont suivis et qui voient, qui ont tout ce background pour apprécier ce qui se passe. Moi, pour l'instant, j'en ai rien à foutre. Genre, j'en ai genre rien à battre de Finn Balor et de Karl Anderson et de Luke Gallows. Parce que Balor, il n'est jamais au micro. Du coup, on ne sait toujours pas s'il est heel ou face, etc. Ils font... Je déteste quand... Alors, c'est un peu con parce que je disais que j'aimais bien Jason Jordan. Mais j'allais dire, je déteste quand on fait une sorte de heel turn, mais le... Il n'y a pas de... Comment ? Il n'y a pas de matérialisation de ça dans le discours ou dans les actions, etc. C'est très... Ouais, voilà, c'est très flou. Et pour l'instant, le Bullet Club, mais c'est flou à mort. On ne sait pas vraiment, s'ils en ont contre quelqu'un. Ils ont pas vraiment de rivalité. Balor, il n'arrête pas de sourire. On ne comprend toujours pas. Pourquoi tu n'arrêtes pas de sourire? Parce que tu es content dans la réalité d'être avec tes potes? Ou alors parce que tu es devenu un heel qui est super content de faire souffrir je sais pas, ses adversaires? Seulement, le moveset, il ne change pas. Donc du coup, ça non plus, ça va pas avec. Du coup, moi, j'en ai rien à foutre du Bullet Club. Je suis plus intéressé par le Revival, qui me disent « on est spécialiste du tag team » et juste après, qu'ils se font enterrer en 3 minutes. C'est vrai. Pauvre Revival. Non mais on me dit que le Baylor Club joue aux cartes, peut-être. Moi, ça me poserait pas de soucis si à la place de Scott Dawson, c'était Heath Slater. Si c'était lui qui disait « je suis spécialiste du tag team, blablabla », il se prend une branlée. Normal, c'est Heath Slater. Mais là, Revival, c'est des mecs qui font des matchs de l'année à NXT. Et là, les gars, ils arrivent et on les montre comme des clowns, quoi. Bah, tant qu'il n'y a pas de vraie storyline ou de rivalité derrière, effectivement, ils sont piégés dans cette mid-card là où ils sont obligés de une semaine de perdre. Peut-être la semaine suivante, ils vont gagner, on ne sait pas. C'est un peu dû à toi, à moi. Le Baylor Club, c'est pareil, il n'y a pas d'intrigue derrière. Donc, effectivement, comme tu dis, pour personne lambda qui les ont pas suivis au Japon, ça n'a aucun intérêt de voir Finn Baylor sourire comme ça, être accompagné de Karl Anderson et Luke Gallows qui ont quand même perdu en pay-per-view. Donc, ils n'ont pas gagné beaucoup de plus de prestance que ça. C'est clair et net que sur ces deux équipes, tant qu'ils ne seront pas dans un programme précis, on va rester sur quelque chose de terne. Et On puis, sait pas pourquoi ils s'envolent en fait. On sait pas. Là, ça fait la deuxième fois qu'ils se rencontrent, mais finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu l'embrouille? C'est parce que ils ont critiqué les anciens, et donc du coup, Bah oui, ils maintenant. étaient là au 25e Ouais, anniversaire de voilà. Baylor Club avec les légendes. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Oui, non, non, il faut quelque chose de beaucoup plus sérieux pour la route de Mania, mais genre après, on ne sait pas si Baylor va avoir un programme contre un adversaire solo ou si ça va rester comme ça. Mais voilà, il faut faire un peu mieux pour qu'on ait un petit peu de l'attrait pour le Baylor Club et puis pas enterrer le Revival. Donc là, effectivement, c'est un peu mal joué sur les deux tableaux cette semaine là-dessus. Mais bon, comme il n'y a pas d'intrigue précise. Je peux pas considérer que le revival est déjà enterré, ils sont en stand-by un peu, si tu Oui, veux. non, mais enfin, c'est pas, je sais pas comment dire. Moi, Mais c'est sûr que ça me pose pas de soucis qu'ils perdent. C'est juste qu'ils perdent aussi sèchement à chaque fois et que, en fait, tout ce cinéma, c'est juste pour montrer Balor comme étant. C'est juste pour mettre en avant Balor et on n'arrête pas de faire ça. En fait, ils n'arrêtent pas de faire ça. Ils mettent en avant, enfin, ils donnent des victoires à Balor, mais c'est des victoires qui servent à rien, quoi. Là, ils gagnent contre une tag team. À quoi ça lui sert vraiment? Ils gagnent contre The Bah, surtout Revival, qui a pas été. qu'il a déjà été le premier champion Universal, donc il n'y a pas besoin de le rebuilder pour montrer qu'il est costaud, quoi. Oui, On le sait voilà. déjà. Et Donc, ils il ont fallait fait pas un le peu descendre. pareil. Quand ils l'ont occupé avec Bray Wyatt, tout ça, donc c'est juste, on a vraiment l'impression qu'ils savent pas ce qu'ils font avec lui. Là, bon, on a reformé le Bullet Club, super, bonne nouvelle. Et qui y aura en face? Qu'est-ce que c'est l'histoire? Non, on sait pas, voilà. Voilà. Pour moi, c'est en stand-by. À mon avis, ça va se décanter dans les semaines qui viennent. À voir. Kurt Angle va nous révéler ce soir qui sont les adversaires de Alexa Bliss pour l'Elimination Chamber. C'est annoncé, ce sera un peu plus tard dans la soirée. Pour l'instant, on a Sasha et Bayley qui sont dans les coulisses, les meilleures amies du monde. Sasha est en train de regarder pour la énième fois la vidéo de sa défaite de la semaine dernière contre Asuka. Bayley débarque, elle lui dit « Arrête de te faire du mal ». Mais Sasha nous explique qu'elle sait désormais comment battre Asuka. Alors il se trouve que ce soir Bayley va affronter Asuka. Oui, on a du mal à le croire, mais bon. Alors Bayley lui demande Ça fait très genre, tu sais, professeur fou un peu, genre, ou Doc Brown dans Retour vers le futur. C'est genre, ça y est, J'ai trouvé j'ai le point trouvé, faible. Eureka! Dana Brooke aussi, je crois, avait trouvé le point faible. Mais... Bon, enfin Ouais. bref, Bayley lui Ça, c'était demande drôle, par contre. quelle est l'astuce pour vaincre la japonaise. Si elle a un petit tuyau, elle peut lui donner parce que ce soir, Bayley affronte Asuka. Mais Sasha, elle veut pas partager l'info avec sa meilleure copine. Elle explique que c'est chacun pour soi. Tiens, bah, comme au Rumble d'ailleurs, où Sasha avait éliminé en traître Bayley, hein, comme lui rappelle Bayley, bah, ce sera la même chose à l'Elimination Chamber. Et d'ailleurs, Sasha explique qu'à l'Elimination Chamber, justement, elle va mettre fin à la streak d'Asuka. Bayley tiens, lui dit tiens, c'est marrant, je pensais faire la même chose. Sasha lui dit tiens, bah, tu penses pouvoir battre Asuka. Bayley lui dit bah, moi je sais que je peux te battre toi déjà, donc il n'y a pas de raison que je puisse pas battre Asuka. Burn. Bam! Pa-pa-pa-pa. Voilà, c'est une petite altercation dans les coulisses. Alors, voyons voir. On va aller tout de suite au match. Comme ça, on aura fait le Non, tour. mais je veux juste dire. C'est bizarre, je m'entends en retour, je sais pas si c'est de l'autre côté, enfin bref. J'allais dire ce que j'ai marqué sous Skype au moment où j'ai vu ce passage. J'ai fait, mon Dieu, première promo de Bayley à Raw qui n'est pas j'allais dire enfin, désespérante, mais. Si, quoi, genre, je me souviens pas de. Alors bon, c'était pas incroyable, mais ils autorisent Bayley à avoir du charisme. Ils autorisent Bayley à chercher un peu la bagarre à quelqu'un. C'est incroyable. Ouais, il la build un peu rapidement, costaud, pour aller affronter Asuka et mettre, mettre Asuka over. Donc le match Asuka-Bailey, quand même une belle affiche hein, qu'on nous propose là cette semaine. Ouais. Elles avaient fait un match énorme hein, à l'époque d'NXT. Et bah, elles font un match qui est plutôt bien cool aussi. Bah, tous les méchants coups de pied d'Asuka hein, contre Bailey qui ne se laisse pas faire. Hein. Le combat est très serré. Jusqu'à ce qu'il y ait un enchaînement de prise de soumission d'Asuka dont Bailey arrive à se soustraire jusqu'à réussir à piéger Asuka dans un tombé. Asuka réussit à s'échapper et là elle place sa fameuse prise de l'armbar. Hein, Bailey aura échappé au Asuka Lock mais elle sera prisonnière d'une armbar dont elle ne pourra pas s'échapper. Elle est obligée de taper et c'est la victoire de Asuka. Donc Asuka toujours imbattable, toujours très forte. Bailey qui est quand même voilà, cette semaine elle a pas démérité, elle a eu comme tu dis peut-être sa première bonne promo depuis un an. Un an et demi, deux ans. Ça a duré 10 secondes hein. Il faut pas plus des fois. Ouais, hein. Non mais... Il a peine de leur mettre une demi-heure aux commentaires pour qu'on voit qu'elle ne sait rien raconter. Voilà, toi t'as plu, c'est pas mal quand même cette division féminine là. pour une fois qu'on peut dire ça. Enfin du moins ces dernières semaines. Oui, ça me plaît beaucoup parce que là on part sur un angle où il pourrait bien y avoir je vais pas faire de fantasy booking, mais j'aime bien l'idée que au début, c'était n'importe quoi parce que tout le monde voulait se battre contre Asuka. Genre, c'est un honneur, ouais. C'est être VIP de se battre contre Asuka, quoi. Oh là là, ça sera un super match. C'est pas genre je veux la battre. C'est genre oh j'aimerais bien être dans le ring avec Asuka. et donc là, on a une vraie compétition. Alors j'espère qu'ils vont pas nous ramener. Enfin bon, tu me diras, il y a Nia Jax aussi là derrière. Mais c'est pas grave, Nia Jax va se faire zigouiller après. Mais on va reparler un peu de tout ça. Ouais. Mais comment ? J'aimerais bien une bataille entre Bailey et Sasha qui va réussir à battre Asuka la première. Ça serait vraiment bien. Et on se finit avec un triple threat génial quoi. Exactement. Ouais. Bah c'est ça. Il faut replacer un peu ces filles-là dans le haut de l'affiche hein, parce que c'est elles qui ont fait le boulot. C'est quand même elles toujours les meilleures, moi je trouve, dans le roster. Donc il faut tabler sur ces filles-là. On l'a vu encore là les deux semaines qu'on vient d'avoir. Les matchs étaient vraiment très bons. Ouais. Et le match là contre Asuka, il y avait aussi quelques spots qu'on voit pas forcément souvent chez les filles à se balancer dans les barrières, enfin dans les barrières. Mais de façon, ouais, vraiment les enchaînements étaient vraiment rapides quoi. C'est pas, je sais pas. Enfin, on voit quand il y a quelqu'un qui se fait balancer et quelqu'un qui se fait porter gentiment vers la barrière. C'est pas la même. Là, on voit qu'elles retiennent pas leur coup les deux. Voilà, on voit tout ce qui nous avait fait rêver à NXT la semaine dernière. On reviendra sur les filles après être passé sur les cruisers. Et juste un petit coucou dans le chat parce que il y a du monde qui vient d'arriver. Donc salut Galu, Frichard, Guillaume. Voilà. Salut les gars. On est toujours content que vous soyez là, toujours fidèle au rendez-vous. Bon, aujourd'hui c'est bordélique. Hein. Ouais, non, c'est le gros d'avoir. Ça arrive des fois. Hein. Parlant de bordel, tiens, les cruisers. Drake Maverick est au commentaire. Celui qu'on appelait Rockstar Spud, mais maintenant il a un nouveau nom. Ah oui. Il nous présente donc un match de cruiserweight. Cédric Alexander et Mustafa Ali affrontent Tony Nese et Drew Gulak. Victoire des gentils sur Lumberjack. Bon, c'est une configuration qu'on a vue un milliard de fois à peu près. Ouais. Mais quand même, là, la foule était réveillée, ils ont fait réagir la foule. Ils ont sorti un peu plus que les habituels headlock et prise de soumission. Ouais. Rien de transcendant, mais il y a une petite sauce qui commence à prendre au niveau des cruisers. Il y a ce tournoi qui démarre à 205 Live qui a démarré la semaine dernière. Alors, je vous avais donné le résultat de Grande Métallique contre Cédric Alexander, donc c'est Cédric Alexander qui avait gagné, comme je vous l'avais dit. Et le deuxième match, TJP, Tyler Bate, victoire de TJP, excellent match contre Tyler Bate qui m'a fait la semaine. Hein, la semaine dernière, il était dans NXT aussi contre Roderick Strong. C'était, c'était aussi très très bon. Justement, Roderick Strong qui du coup doit être contre Itami. Itami, oui, c'est ça. Itami. Donc, cette semaine à Go 5 Alive. Et l'autre match, c'est les Luchadors. C'est Lince Dorado contre Kalisto. Peut-être un mort dans ce match. On vous donnera les résultats la semaine prochaine. Botchamania classique. Ouais, non, mais le. Qu'est-ce que j'allais dire? Mike Maverick. Oui. Bon, oui. Bah, j'ai un peu. J'avoue que j'ai sûrement eu une petite absence pendant ce match parce que j'aurais pas te raconter grand chose là-dessus. À part le fait qu'il s'habille fluo, c'est tout ce que j'ai retenu. Mais, et que je lui dis, t'es pas très intéressant. Mais le. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le tournoi 205. Il faudrait que j'aie le temps de regarder parce que apparemment il y a des gens qui, enfin justement il racontait, c'est le seul truc intéressant que j'ai trouvé de ce segment, c'était qu'il était en train de raconter que attention, il n'y a pas que des gens de 205 qui vont être au tournoi, il va y avoir des surprises machin et tout, donc on va avoir 2-3 personnes de NXT. Et là, j'ai en tête un gros spoiler de NXT, mais je vais le garder pour moi-même. Mais c'est difficile, franchement, si vous fréquentez Twitter, c'est difficile de passer spoiler une grosse nouvelle de NXT pour ces prochaines semaines. Mais bref, donc voilà, ouais, c'est au moins une très bonne idée d'avoir fait ça pour 205, de donner envie aux gens de regarder en pensant qu'est-ce qui va peut-être arriver dans le roster. J'espère qu'ils vont peut-être pousser au cul des gens de NXT là-bas, hein, parce que l'histoire de revitaliser un peu tout ça, quoi. Je sais pas qui en particulier, mais au moins Lio Rush, hein, parce que Lio Rush au minimum. Donc voilà. Ouais. Bah, en tout cas, ça redonne de l'intérêt à 205 Live. Moi, je pense que je vais regarder dans les semaines qui viennent, tant que ce sera ce tournoi-là. Si ça continue sur ce genre de choses, ça peut être intéressant. C'est censé tenir jusque Mania. Ouais, la finale Mania. Voilà. Maintenant, bon, le match de ce soir, c'est pas avec ça qu'ils vont qu'ils vont encore péter la baraque, mais au moins les gens dans le public étaient réveillés. D'ailleurs, le public de Des Moines était plutôt réveillé, hein, dans l'ensemble. Ah bon ? Bah, du moins en début de show. Ah, moi, après... je les ai trouvés bien mous. Hein, après, ils étaient fatigués, notamment sur ce passage qu'on va aborder là chez les filles. Kurt Angle est au milieu du ring. Il va annoncer donc les participantes pour l'Elimination Chamber pour affronter Alexa Bliss. Alors, tenez-vous bien. Bayley, première participante. Ouais. Mandy Rose. Alors là, pourquoi ? Pourquoi ? Keith James. Pourquoi une certaine Mickey James, je ne connais pas. Sonia Deville. C'est parce qu'elle a un nombre de matchs dans son contrat, je pense. Ça doit être ça. Sonia Deville, il y avait un grand blanc quand ils ont annoncé son nom. Ça fait même une tentative de huer. Et pourtant, c'est la plus intéressante du lot. Mais... Peut-être. Et Sasha Banks, évidemment, quand même. Faut pas déconner. J'ai du mal à croire que ça va être la fiche définitive, moi. Mais bon, apparemment, on est parti là-dessus. Et on nous apprend que Asuka affrontera Nia Jax. Et il y a un truc en jeu. Je pense que c'est le spot à WrestleMania qui est en jeu. Nia Jax affronte Triple Threat si elle gagne. Je m'entends encore en écho, hein, c'est bizarre. Donc du coup, j'étais en train de dire, Nia Jax, en jeu, elle a une place, oui, pour... une place assise, au premier rang. Place VIP. Non, oui, oui, elle sera dans le match, le prochain match pour la ceinture, je crois. C'était pas ça ? All right. Peut-être, je sais pas, j'ai pas... Putain, je suis perdu parce que je suis en train de faire des bidouilles... C'est ça, hein, quand on est technicien, réalisateur et chroniqueur, on peut être à fond dans. Bon, en tout cas, de toute façon, Nia Jax, elle va perdre. Hein. C'est pas bien grave. Mais Guillaume nous confirme dans le chat. Si Jax gagne, il y a un triple threat. Merci, Guillaume. Je savais qu'on pouvait compter sur lui. Un grand merci. Richard nous demande juste, Elimination Chamber, c'est quand Elimination Chamber, c'est fin février, il me semble. Dimanche en qu'est-ce que je dis? Non, c'est pas fin février, c'est en mars. Voilà. En mars, hein, ouais, il me semble que c'est oui, en mars. Non, ouais. C'est en mars parce que j'ai pas la date c'est exacte. Fastlane qui arrive après. Donc, Ouais, on a un peu de temps hein, pour builder cette chambre de l'élimination. Il y a 10 jeux, quoi. D'accord. Vas-y, vas-y. Alexa Bliss débarque au ring. Elle vient demander pourquoi elle doit défendre son titre alors que Brock Lesnar n'a pas besoin de défendre son titre à Elimination Chamber. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pas un peu du sexisme? Alors là, la foule est derrière elle. Hein. Ouais. Kurt Angle explique que Brock Lesnar, lui, il a défendu son titre au Royal Rumble, contrairement à elle, et que en fait, elle a pas défendu son titre depuis TLC en octobre. Avec sa Bliss, bon, continue sur sa lancée. Hein. Tout ça, c'est sexiste. Alors Kurt Angle demande au public de choisir. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le match? On fait pas le match? C'est le camp du Yes qui l'emporte. C'est parti pour le match. Alexa Bliss est vexée, elle s'en va. Kurt Angle sauve la promo en reposant la question: est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment qu'il y ait le match? Et puis les gens se réveillent. Il y a eu un gros moment quand Alexa Bliss a quitté la scène où il y a eu un silence absolu qui était un petit peu triste. Est-ce que c'est le mec qui écrit la storyline de Brian et Shane là, qui a fait ce segment? Ouais, à mon avis, ça doit être le même. C'est genre de segment où à la fin tu fais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ouais, mal réalisé. Est-ce que Bliss, elle est devenue babyface, elle défend les femmes et après en plus elle prend Mickie James, bref, on en parle après. C'est Kurt Angle, le face, puisqu'il rappelle quand même qu'elle a pas défendu son titre. Donc oui, c'est un bon argument pour dire qu'elle est heel. Mais alors, si vous voulez faire un segment pour montrer qu'elle est babyface, pourquoi vous soulevez ça? Du coup, le public il sait pas quoi faire. Là, tu dis ouais, le Yes l'a emporté. C'était quand même un peu le voilà, c'était un peu on sait pas ce... Yes. Oui, peut-être. Enfin, en même temps, elle a raison, c'est sexiste, mais on veut voir le match. quand elle a lancé son attaque, ça a fait réagir la foule de manière assez importante. J'étais assez surpris par la réaction du public, mais ça s'est tassé juste derrière quand Kurt Angle lui a sorti ses arguments qui étaient effectivement assez indiscutables. Et donc, du coup, au bout du compte, ça n'a rien donné. Hormis quand il a posé la question si les gens voulaient le match, les gens voulaient le match, évidemment. Je vois pas l'intérêt de soulever une question comme ça sur le sexisme, surtout que je trouve que c'est assez cohérent encore ce qu'elle dit et que c'est assez pertinent et ça pouvait en partir sur quelque chose d'intéressant, mais si c'est pour l'enterrer tout de suite derrière, c'est vraiment dommage, c'est mal exécuté. Donc voilà, plutôt pas une réussite du tout ce segment-là, même si je trouve que ça partait sur de bonnes bases. Comme tu dis, là, on ressent un peu cette patte SmackDown, là, où c'est pas assez clair dans ce qu'on veut nous raconter, du coup, on sait pas trop quoi penser, et puis ça tombe à plat au final. Galuf, il dit non, Bliss et Hill, elle sort des arguments fallacieux pour un match contre elle, comme d'habitude, mais c'est pas fallacieux ce qu'elle sort. C'est le problème, c'est que, ouais, c'est discutable, tu vois. Kurt Angle, il a les bons arguments pour la contrer, c'est ça qui est con, mais à la base, c'est quand même plutôt malin ce qu'elle sort. Et oui, plutôt... mais elle aurait très bien pu répondre oui, j'ai pas défendu depuis X temps, mais moi je suis là toutes les semaines, etc. Lesnar, lui, il vient tous les 3 mois, voilà. Il est là un pay-per-view sur 2 ou sur 3. Donc, et elle y est, c'est toi qui boucle les matchs, donc tu ne peux pas me reprocher de ne pas avoir défendu vu que c'est toi qui fais les cartes. Oui, aussi, elle aurait pu dire ça, mais même sans dire ça, du coup, moi j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Mais après, on a l'impression qu'en fait, il voulait plus se foutre de la gueule des femmes qui dénoncent le sexisme en ce moment. Oui, j'ai un peu l'impression que c'est ça au final, ce qui est quand même assez bizarre à diffuser à la télé. On sent genre le mec hargneux dans les coulisses. Écoute, genre, hein. Alors elle va le traiter de sexisme et puis après il va l'enterrer. Ok. Alors, après, toutes ces bonnes femmes. Donc ouais, non, c'est con parce que du coup j'avais jusqu'à ce moment où, où Kurt Angle pousse la foule, genre s'il vous plaît, dites yes, s'il vous plaît. Ouais, on termine en rente là en bas de l'ego. Jusqu'à ce moment-là, j'étais en train de me dire merde, ça fera un bon face turn pour Alexa Bliss. Ouais. C'était, ce serait pas mal pour elle parce qu'elle est, elle est peut-être arrivée au bout de son. Ouais. Déjà, elle est arrivée au bout de son règne. Je sais pas pourquoi elle conserve le titre. En plus, il y a beaucoup de choses qui vont pas quand même par rapport à sa rivalité avec Asuka, parce que Asuka l'a déjà battue. Ouais. Donc, elle aurait même pas eu besoin de passer par le Rumble, Asuka, pour avoir une chance au titre. Elle aurait déjà été bouclée. Ouais. Ils ont un souci tout simplement parce qu'ils se rendent compte qu'en fait ils ont bullé des personnes depuis X nombre de mois. Ouais. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ils s'en font oh merde, bon, elle arrive quand Asuka? Bon, et ben, du coup, on fait rien jusqu'à ce que Asuka arrive. Voilà. Et du coup, voilà. Ce qui est bête pour Alexa Bliss, qui avait un bon début de règne, et après, genre, elle a disparu parce qu'il book pas de match pour la ceinture, parce qu'il y a pas de storyline autour de la ceinture, et que les filles, la storyline des filles il y a quelques semaines, c'était pas je veux la ceinture, c'était je veux battre Asuka, enfin c'est je veux affronter Asuka. C'est ça. C'est ça, ouais. On paye le prix hein, du laisser aller ces quelques mois. On aura encore les filles qui vont revenir plus tard dans l'émission. Ouais. Pour l'instant, on s'en va vers l'Elimination Chamber. Nouveau match de qualification. The Miz affronte Apollo fucking Crews. The Miz est accompagné de Bo Dallas. Curtis Axel n'est pas là. Apollo Crews est accompagné de Titus O'Neil et Dana Brooke, évidemment. Puisque c'est ça, hein, Titus Worldwide. Ouais. Donc un match où qui est dominé, grosse domination d'Apollo Crews, hein, qui fait des flips, des dives, des standing, comment on appelle ça, shooting star press, très impressionnant. Mais il finit malheureusement par se réceptionner sur les couilles et The Miz en profite pour placer le skull crushing finale. Ça ne pardonne pas les mauvaises réceptions. Ouais. Donc évidemment victoire du Miz. Sans grande surprise. T'es fait écraser pendant presque tout le match. Bah, en même temps, c'est une mise. Hein. Miz qui a fait une promo hein, avant pour expliquer qu'à WrestleMania, il gagnera contre Brock Lesnar devant sa fille nouvelle-née, je sais pas comment on dit, avec sa nouvelle émission. Voilà, il sera à la fois champion intercontinental et champion de l'univers, la plus grosse star de la WWE, en gros. Toujours impressionnant le Miz finalement, même quand il perd ses matchs comme une merde, ou qu'il gagne ses matchs comme une merde plutôt, parce qu'il a gagné le match quand même, et il sera dans l'Elimination Chamber. Mais en même temps, Apollo Crews à la fin du match, c'était en train de dire, c'est bon, on a tout vu. À un moment, le Miz, il était par terre, et je crois que ça a duré quelque chose comme une minute, où Apollo Crews, il fait, rap, rap, rap. Regardez, hop et olé. Et au bout d'un moment, j'ai plus l'impression de regarder de l'athlétisme, enfin pas de l'athlétisme, de regarder du je sais pas du de l'arceau, enfin bref, les mecs qui font des pirouettes autour du cheval d'arceau, voilà. Je trouve qu'il ferait une bonne tortue ninja pas sur le dos. On est méchants. Mais bon, écoutez, Apollo Crews, c'est vraiment ça. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un mec athlétique qui est fait pour le bodybuilding ou qui est fait pour un truc comme ça. Alors, les fédérations. Non, mais ou alors les fédérations indées voilà, il n'y a pas besoin de storyline et tout ce qu'on fait, c'est qu'on se fout plein la gueule dans le ring et puis on fait des pirouettes et tout ça. Mais c'est pas que ça, là, les fédérations indées. Caricature pas, mais il y en a certaines où voilà, une grosse partie des matchs c'est fait pour ça. Là, ils ont pas trouvé d'angle d'attaque pour le construire. Clairement. Et puis il a pas l'air d'avoir le répondant derrière pour proposer quelque chose. Moi j'ai vu quelques fois en interview, c'est juste. C'est exactement le genre de phénomène dont parle assez souvent Stone Cold dans son podcast, où il parle de génération, où la génération de catcheurs d'aujourd'hui, il y en a une bonne partie qui sont là un petit peu... c'est des fans, c'est d'abord des fans de la WWE avant d'être vraiment des fans de catch, mais surtout, en fait, ils ont cette espèce de... de mentalité où ils sont arrivés et ils sont contents d'être là. Et ils ont juste comme objectif de garder leur boulot. Et ils n'ont pas comme objectif d'être la plus grande star au monde. Et voilà, Apollo Crews en interview, il est toujours tout sourire, il est toujours content, il est toujours, il va rien dire de vraiment intéressant ou de polémique, etc. Et on sait à la WWE, on voit que même s'il faut pas raconter n'importe quoi sur Twitter, etc. On voit quand même que de temps en temps, la WWE réagit à une interview ou même un tweet qui va être un peu polémique d'une star. Après, il faut prendre le risque. Mais voilà. C'est ça, exactement. Et tout va bien puisque j'ai retrouvé mes notes. Alors, Cesaro et Sheamus ont eu une petite interview badass dans les coulisses. Enfin, c'est dans les gradins du stade avant que le show commence, visiblement. Et bon, c'est assez rapide, hein, ils nous expliquent qu'ils vont botter le cul du beau gosse et du fils à papa en parlant de Rollins. Et de Jason Jordan, vous l'aurez compris. We froze, we are the bar. Chez Monsieur Cesaro, qui sont toujours les champions tag team. Alors, justement, leurs adversaires dans les coulisses, le boulet Jason Jordan n'est finalement pas apte à catcher. Il est obligé de l'avouer devant Rollins parce que son papa est là. Donc Rollins, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux mon titre tag team quand même. Il faut que je vais prendre un nouvel équipier. Et là, qui c'est qui se ramène? Le beau Roman Reigns, qui a déjà fait un match contre Bray Wyatt, mais c'est pas grave. Lui C'est a bien, validé. ouais. Non, juste pour dire, là c'était à peu près gentil la façon dont tu l'as fait. Rollins, il lui a bien gueulé dessus, Jordan. Il le traite un peu genre, tu fais Et oui, chier, tu racontes que de la merde. c'est surtout après qu'il va se faire Oui, aussi engueuler après. Jason Jordan. Donc du coup, on a le match The Bar contre Rollins et Reigns. Le titre est en jeu. Alors le début du match, c'est Roman Reigns qui est isolé. Jason Jordan va quand même arriver au ring juste avant le hot tag de Rollins, qui est le héros local. Hein, Rollins, hein, c'est le régional de l'étape. Qui nous fait un hot tag de feu. Reigns n'est pas trop content de l'arrivée de Jordan, hein, qui est aux abords du ring. Il l'engueule un peu, il lui dit, écoute, on s'occupe de ça, il n'y a pas de souci. Et il a bien raison de ne pas être content, puisque Jason Jordan va attaquer The Bar, qui tentait de fuir le match. Hein, et à un moment donné, ils récupèrent leur ceinture, ils veulent s'en aller, ils en ont marre de ce Rollins qui saute partout et qui leur met la pâtée. Et Jason Jordan va même les attaquer, ce qui va entraîner évidemment la disqualification de Reigns et Rollins. Et donc un peu plus tard dans les vestiaires, Rollins engueule copieusement Jordan, il le traite même de fils de garce, égoïste, sous les yeux de Kurt Angle qui est là pour essayer de calmer le jeu. Angle explique que Jordan effectivement est blessé, ça c'est les guites, hein. C'est normal qu'il ait pas pu participer au match. Rollins explique que lui il est énervé, qu'il est juste déçu de ne pas avoir blessé lui-même Jordan, il s'en va. Kurt Angle envoie Jason Jordan dans sa chambre ou à la maison récupérer de ses blessures. Jason Jordan lui dit non, mais il va pas me parler comme ça, je vais lui régler son compte. Et Kurt Angle l'engueule, il dit tu fais pas chier maintenant, tu rentres à la maison. Voilà qui conclut un peu toute cette saga Jason Jordan dans l'immédiat. Voilà, apparemment, il est toujours blessé, Jordan, donc il est écarté de la route vers Mania, je sais pas pour combien de temps. Il Et avait donc, une opération de la nuque, il me semble. si c'est la nuque, ça va. Ok, bah voilà, C'était bah ce donc. week-end, en tout cas, il s'est. Qu'est-ce que je dis ce week-end? C'était ce début de semaine, je crois. Enfin bref. Donc du coup là, il a déjà reçu l'opération. Là, c'était sur le Twitter de la WWE. Allez, opération de la nuque, c'est chaud hein, quand même. Voilà, donc Cesaro, Sheamus, qui sont bien solides, bien costauds, qui conservent la ceinture. Roman Reigns, bah, qui vient bosser un peu plus, fait des heures supplémentaires un petit peu. Bon, ils ont laissé entendre dans les commentaires que c'était peut-être la dernière chance de Seth Rollins de gagner le titre tag team. Donc, je pense qu'ils vont l'écarter de la course au titre par équipe. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là. Après, ce qu'ils avaient dit, c'était que c'était la dernière chance de Jordan et Rollins. Donc, après, ils peuvent peut-être peut-être jouer là-dessus, dans le sens où. Je sais plus, en fait, ils avaient eu un rematch, et là, c'était le deuxième match après le rematch. C'était ça? Ouais, c'est bah, Il me semble. bon, ça Mais. doit être ça à peu près, ouais. Je sais pas, Non, parce soit. qu'ils étaient pas là la semaine dernière, donc c'était leur rematch. D'accord, donc Par rapport à c'était leur bien le défaite du rematch. Clipper. Après, t'as droit à un rematch, hein, t'as pas droit à quatre Ouais, rematchs mais donc non bon, c'est à la WWE, il y a des moments où il y a le rematch et puis il y a le Ils font ce qu'ils re-rematch, veulent, quoi. ils font ce qu'ils veulent. Je sais pas, enfin la mauvaise nouvelle, c'est pas. Je pense pas que c'est tant pour Jordan, mais que pour Rollins, quoi, parce que. Moi, ça me semblait. semblait un peu évident que ça allait se finir avec Rollins contre Jordan à Mania. Mais là, C'est moins évident maintenant. ouais. Donc du coup, qui qu'on va filer à Rollins, bah alors lui, il va être sûrement dans un, je sais pas, un duel avec je ne sais pas qui, mais pas, je pense pas avec Rollins. Alors on Ouais. susurre peut-être un Mistourage Baylor Club, Ouais, ce qui voilà. serait assez Logique. logique. Alors Rollins. Ou alors, s'ils veulent faire chier Strowman, et ben il sera contre le Miz. Ouais, y a ça aussi, on parle de ça aussi. Mais il paraît qu'il y a des gros projets pour Strowman. On parle aussi peut-être d'un qui serait dans le mixte match avec Ronda Rousey contre Triple H et Stephanie Ah oui, McMahon. d'accord. Okay. Je pensais au truc de Facebook là, je comprenais pas. Le Mixed Match Challenge. Mais Ouais. le. Oui, c'est vrai, il y a cette histoire aussi de Ronda. D'ailleurs, ça serait bien qu'on la. Enfin, je sais pas. Ben Est-ce moi, il me qu'on semble va qu'elle pas était l'avoir annoncée catchée avant là. Mania, Ouais, vraiment? je pense pas. Elle était annoncée, il me semble, pour cette semaine, mais elle n'était pas là. Ah, Hein. d'accord. Après, je sais pas. Ronda Rousey, on verra ce qu'ils ont prévu pour elle dans les semaines C'est qui quand même un viennent. petit peu risqué de la faire catcher pour la première fois à Mania. Hein. Ça peut. Enfin, je sais pas. Ouais, il y aura sûrement un truc de départ, mais comme Mais en ils tout avaient cas. fait avec The Rock, mais. Ouais, en tout cas, je vois pas qui peut être contre Rollins, là. Ça me semble compliqué. Ils vont pas annuler les plans qu'ils ont, je pense, pour Roman, pour faire une tag team Rollins-Roman, éventuellement contre je ne sais pas qui. C'était tellement un merdier, leur. Tout le shield, c'est la malédiction du shield. Hein. Tout ce qui touche Seth Rollins se brise. Ah, mais c'est quand même. Ouais, c'est étonnant qu'ils aient pas une vraie storyline pour ce mec-là, mais en même temps, ils en ont pas pour Baylor. Ils ont pas. Apparemment. Ouais, Ouais. on aura peut-être un multi-man ladder match, quelque part, comme équivalent du Money in the Bank. Mais bon, c'est un petit peu triste. Strowman nous rappelle qu'il a tué Kane la semaine dernière. Et qu'il est désormais Mister Last Man Standing. Hein. Il sera le Last Man Standing à l'Elimination Chamber. Il sera le Last Man Standing à WrestleMania. Personne ne pourra l'arrêter. Qui c'est qu'on peut pas arrêter non plus? Nia Jax, qui squash une enfant, hein. Vanessa Floyd. Et après le match, elle est interviewée par Renee Young. Nia Jax nous explique que quand Fallon aura fini de frapper la gueule de Asuka à l'Elimination Chamber, Asuka pourra garder son masque qu'elle utilise pour son entrée en scène. Elle pourra le garder de manière permanente. Et c'est Et tellement. Ouais, vas-y. elle va en Pardon. faire l'impératrice d'hier. Voilà Ah ce qu'elle oui. nous dit. J'allais dire, c'est tellement dommage parce que c'était pas mal écrit, mais alors elle est vraiment pas bonne à délivrer le texte parce que ça sonne vraiment comme une gamine de 14 ans qui dit. Alors j'ai une punchline. Elle va arriver. Et puis voilà ma punchline. Ok? Et En donc fait, du. je crois qu'elle essaye de faire le même acting que Alexa Bliss, mais ça passe pas du tout quoi avec elle. Ouais. Tu vois là, l'espèce de fille peste, Non, parce comment que tu sais. le truc du masque, c'était pas mal. C'était. Ah oui, après, ouais, ce qu'ils lui ont fait dire était pas mal, hein. Ouais. C'est un très rare exemple de bon texte mal délivré. C'est ça. Bon, Nia Jax, hein, qui est sortie de l'impasse 205 Live, là où elle était avec son, son drôle de copain. Sonia Deville, qui vient avec Mandy Rose et Paige, affronte une certaine Mickie James. Alors c'est un combat très stiff, hein, avec des violents coups de genoux, des coups de coude là, de Sonia Deville, mais apparemment Mickie James réussit à casser le nez de Sonia dans le match. Vraiment? Bah, apparemment, hein, ils étaient très inquiets pour Sonia, elle n'avait pas l'air d'aller bien. Sonia était un peu bizarre ce match, et Mickie gagne sur roll-up à l'ancienne. Ensuite elle se fait passer à tabac avant d'être sauvée par Alexa Bliss. Ouais. J'ai rien compris. Si vous avez compris quelque chose, n'hésitez pas dans le chat. Dites-nous pourquoi Alexa Bliss a sauvé Mickie James, sachant que juste avant on nous a expliqué que en fait c'était une manipulatrice et qu'elle était toujours heal. Parce elle que a là... peut-être manipulé Mickie James qu'elle a déjà manipulé. Voilà, exactement. Donc là c'est pareil, ça a aucun sens parce que elles ont déjà eu une rivalité. Donc Mickie James sait déjà que voilà que c'est une À moins qu'Alexa Bliss prenne la place de Paige à la tête de Absolution. Mais alors. Et qu'elle fait mine de faire l'inverse pour finalement trahir Mickie James et. Tu vois ? Et avoir Absolution. Si ça peut nous permettre d'avoir des entrées d'Absolution où Paige n'est pas devant en train de cacher la personne qui doit catcher, ça serait sympa. Parce que je t'aime bien, Paige. Tout le monde dit que t'es déjà censé être à la retraite. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui catch, j'aimerais bien que ce soit pas toi qui soit devant, qui ensuite monte, je sais pas si t'as vu, qui ensuite monte dans le ring et se met au poteau comme si c'était toi qui allais catcher. Non, Moi, ça me dérange surtout parce que Sonia Deville est vraiment... Je sais pas si t'as vu ces matchs à NXT... Elle a fait quelques matchs plutôt sympas contre de SmackDown l'équivalent d'Absolution. Ruby Riott. Voilà, Ruby Riott. Elle a fait deux matchs contre Ruby Riott avant de partir. Enfin, elle était déjà à SmackDown, mais bref, c'était enregistré. Et c'était des matchs plutôt sympas, surtout le dernier était vraiment plutôt sympa. Je pense que parmi les deux, vu que Paige n'est plus là, mais parmi les deux, entre Mandy Rose et Sonia Deville, clairement Sonia Deville, je pense qu'elle a, elle a le plus gros potentiel. Donc voilà, ouais, j'ai trouvé ça dommage. Est-ce que le booking a été changé à la dernière minute ? Ça me semble un peu... Moi, je pense qu'ils ont rajouté ce match-là dans la carte parce que Ronda Rousey n'est pas venue ou qu'il y a eu un empêchement parce que ça fait beaucoup de matchs féminins casés l'un derrière l'autre. Hein. T'enchaînes Nia Jax avec ça. T'as deux segments avec Alexa Bliss. Je me demande si ce n'est pas quelque chose qu'ils ont rajouté un petit peu à la va-vite. Donc, long voilou. Et là, quoi en penser. Je sais pas, faites-la, enfin, trouver un moyen, mais il faut lui dire à Paige, enfin, faites-la disparaître. Non, ils vont la garder jusqu'à ce que son film sorte. Ouais, mais... enfin, non, mais autrement, quoi, pas comme ça, parce que comme ça, là, les deux autres, elles vont jamais être en avant, enfin, le public va jamais les remarquer, quoi. Si à chaque fois c'est Paige qui est devant qui fait comme ça, c'est mon clan et c'est moi. Donc bon. Mais oui, les places sont chères. Ilias est au milieu du ring. On nous apprend qu'il y aura un match de la seconde chance par contre juste avant, la semaine prochaine. Donc ça nous donne Finn Balor, Bray Wyatt et Apollo fucking Crews. Ouais, et je crois, il y en a pas un quatrième. Je sais plus qui. Mais de toute façon, on sait que c'est Finn Balor qui va gagner. Donc, donc Ilias est au milieu du ring avec sa guitare. Il se moque de la ville de Des Moines. Hein, d'habitude, il survole la ville. Il ne s'arrête pas. Ouais. Comme ça. Il a refusé la mi-temps du Super Bowl pour venir à Des Moines. Il pense que c'est peut-être une erreur. John Cena vient gâcher la chanson, évidemment. Puis c'est Braun Strowman qui arrive et c'est parti pour ce triple threat qui va déterminer la place de dernier entrant dans l'Elimination Chamber. Celui qui gagne, il sera le dernier à faire son entrée, à avoir la cage qui s'ouvre. Ouais. Donc, Elias, évidemment, intelligemment, va d'abord fuir le match et laisser ses deux adversaires s'affronter. Mais une fois que Strowman a laminé Cena, il descend pour amener le ménestrel dans le ring. Cena et Elias intelligemment décident de faire front commun contre le monstre parmi les hommes. On lui fait manger les poteaux, les barrières d'insécurité, les escaliers de fer, coup de guitare, attitude adjustment sur les escaliers et Strowman est hors jeu, est hors course. Ensuite on se bourre le pif entre Cena et Elias jusqu'à ce qu'un Cena exténué tente un five knuckle shuffle sur ce bon Elias. C'est le moment que choisit Strowman pour revenir dans le ring. Il porte un running power slam sur Cena. Elias réussit à expulser Strowman du ring et il vole le tomber pour la victoire. Strowman est pas content et c'est parti pour la distribution de running power slam pour la joie des enfants. Un sur Elias, un sur Cena, un sur Elias, un sur Cena. Un sur Elias. Voilà. Et Hulk Hogan, Braun Strowman, qui joue de l'oreille. Hein, il demande l'appui du public pour enchaîner ses Running Power Slam et qui fait des checks aux enfants en partant. Donc voilà, c'est Braun Strowman, le monstre ami des enfants. C'est le Casimir de la WWE. Casimir de la WWE. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event? Je trouvais que c'était bien, ouais, non, c'était bien sympa, c'était assez amusant. Ce qui était bien, c'est qu'on a eu une grosse soirée de catch, on va dire classique, et à la fin on a eu un match qui était un peu plus le bordel, un peu plus voilà, c'est un peu ce que fait Raw depuis un bail, de faire le match un peu de la destruction toujours en main event. Donc là, ouais, c'était cool, et puis c'est bien parce que c'est vraiment du positif dans les deux sens, dans le sens où ça fait gagner du coup, Elias, ça lui fait une victoire sur Cena, enfin ça lui fait un tombé sur Cena, donc c'est un truc à garder, on va dire qu'il peut en être fier, quoi, par la suite. D'un autre côté, ça avait franchement, enfin c'est une victoire, mais c'est, enfin, l'enjeu, arriver en dernier à Elimination Chamber, est-ce que ça donne vraiment un avantage de fou? Moyen. Il n'est pas quant à Strowman. Je pense que Strowman va défoncer toutes les cages et il fera sortir tout le monde dès le début du match. Ça, à la limite, si c'était la dernière place d'un Rumble, d'accord. Mais là, la dernière place d'Elimination Chamber, bon. Mais c'est sympa, mais c'est une bonne idée d'avoir mis des petits enjeux à droite à gauche pendant toute la soirée, de toute façon, même si c'était pas forcément des enjeux de fou. On a eu quelques trucs qui forcément qualifiaient à quelque chose et tout, donc voilà, ça c'était là un peu la marque de la soirée qui était bien. Ça serait bien qu'ils fassent ça un peu toute l'année, enfin au moins un épisode sur deux, que même si c'est pas un truc, même si c'est pas forcément une qualification à comment, qu'ils essaient d'organiser ça pour que c'est pas forcément gagner un title shot, mais ce serait, je sais pas moi, gagner une chance à participer à un, je sais pas, six men ou six women pour justement avoir le title shot, etc. Enfin bref. Ouais. Surtout quand t'as des grosses affiches comme ça, Cena, Strowman et j'ai oublié qui était le troisième homme, mais c'était Elias. Donc quand tu as des grosses affiches comme ça, c'est bien quand même effectivement d'avoir derrière un petit enjeu pour que tu grilles pas un petit peu une belle affiche comme ça, quoi. Guillaume qui nous dit aussi dans le chat que ce serait l'homme qu'on a oublié, ce serait Matt Hardy. Matt Hardy, effectivement, ouais. Dans le match des losers. Voilà. C'est un fatal four way et pas un triple threat. C'est pas Guillaume d'ailleurs, c'est Richard qui nous a dit ça. Et Richard qui nous dit, Joe, il revient quand? C'est une bonne question. Joe, il m'a pas appelé, je ne sais pas. Joe, je pense qu'il va revenir après Elimination Chamber. C'est possible. J'espère, mais ça va être Au juste moins. pour Mania. Ouais. Ça se trouve, il est bloqué jusqu'à après Mania. Il va peut-être louper Mania. Mais il avait eu un truc au pied en plus, je crois. C'était pas. Ouais. Après, après, je sais moi, pas la gravité du truc. Je vais me répéter, mais Samoa Joe, il est vieux. Ouais. J'aurais dû l'embaucher il y a 10 ans. Là, maintenant, effectivement, il fait blessure sur blessure. À chaque fois qu'il commence à monter dans le roster, il se blesse. Ouais. C'était vraiment trop tard pour l'embaucher, mais bah, on espère. On touche du bois, on espère qu'il reviendra au top. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Non, on voit qu'ils font toujours, ils font toujours confiance à Elias. Ils lui donnent des places comme ça. On sait très bien qu'il va pas devenir champion, du moins à part révélation d'ici un an où il Ouais, monte bah, un peu son Ilias a le jeu. spot de Joe en fait. Hein. Ouais. C'est ça qui se passe, quoi. Mais comme il assure, Ilias, quoi qu'on en dise, même s'il n'a pas un in-ring qui est phénoménal, dans les promos, il assure. Et puis il est toujours là au bon endroit, au bon moment. Et il fait le spectacle comme il faut faire le spectacle, quoi. Il a pas, plutôt réussi hein, son entrée à Raw. Voilà. Alors. On a fait le tour de ce Monday Night Raw. Et Donc on va oui. arriver au mot de la fin. Un top, un flop et une note. Eh ben, je t'écoute, Hank. Quels sont tes Donc mon top de la soirée. Mon top de la soirée, c'était les quelques secondes de promo de Bayley face à Sasha Banks. J'ai pleuré pendant un an sur le fait qu'à chaque fois qu'on voit Bayley et Sasha Banks, c'est ah mais t'es trop forte, ah mais toi aussi t'es trop forte, oh on va gagner, tu vas gagner ton match, mais moi aussi je vais gagner mon match, oh on est trop amis. Donc voilà, là enfin on a un petit peu de charisme, un petit peu de cerveau qui fonctionne, de oui en effet on cherche la même chose, ce qui était le cas déjà avant, mais c'est seulement avant c'était genre peu importe, mais que la meilleure gagne. Non, non, non, arrêtez avec que la meilleure. Que le meilleur gagne, que la meilleure gagne, ça ne doit pas exister dans le catch. Tu ne dis, tu dis ça à personne. Ça sert à rien. On n'a pas envie de voir des gens heureux dire des platitudes. Ça, Exactement. Exactement. si on veut ça, on va dans un café ou dans un bar. À la Saint-Valentin. Et Voilà. donc, du coup, voilà, meilleur moment, le match aussi, mais bon. Et puis, le pire moment de la soirée. Le pire moment de la soirée. Pire moment de la soirée, c'était Kurt Angle qui essaye de. Je vais pas dire d'enterrer, parce que c'était pas si méchant que ça, mais Kurt Angle qui commence à sortir un truc qui va à contresens de ce qui est en train de se passer dans la promo. Et ensuite, qui fait vous le voulez ce match? Ah, je passe Oui, on veut totalement le à côté match, de la plaque. mais là, t'as pas, elle a raison quand même. C'est genre, si tu demandes à un public, tu peux pas avoir la nuance. Tu peux pas avoir le public qui dit elle a raison, mais on veut le match quand Ouais, on même. va pas lancer un Donc, débat avec du coup, là. personne. N'empêche qu'il y avait donc du coup Asuka Bayley, très bon match. Le tag team match, très bon match. Le dernier match, très amusant. C'était pas un grand match, mais très amusant. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah, Fousmise était pas dégueulasse. Oui, voilà. Puis voilà tout ce qu'on a eu. Bah, trois très bons matchs. Quelques segments qui m'ont fait plaisir, bon, genre Elias, tout ça. Ouais, la chanson d'Elias, enfin, pas la chanson d'Elias, mais tout son discours sur le Super Bowl, etc. C'était. Il a des idées toutes les Ah oui, semaines. on passe ses chansons pour. Ah non, c'est le Miz qu'on monte ses vidéos pour motiver les gagnants du Super Bowl. Ouais. Je confonds, mais bon, c'est pas grave. Non mais donc voilà, Ouais. Alors, 3. combien? Je 3? donne 3 parce que il y a quand même des ouais, Ouais, il y il y a a quand du même eu très mauvais et des bémols, il y a du ouais. très bon. Mais le catch était Le catch. bon. Écoute, je vais mettre un 3 aussi. Je mettrai dans mon flop le passage de que j'ai rien compris avec Alexa Bliss qui vient sauver Mickie James. Tout ce match, pour moi, c'était mauvais. Parce que on n'y comprend rien. Le top, j'ai envie de le mettre quand même à Asuka et Bayley pour leur match qui était bien cool. Voilà, donc 3 aussi pour la note. Voilà, bah on a fait le tour. Je voudrais juste faire une petite promotion pour la page YouTube de l'ami Pogo. Si vous voulez découvrir des choses un petit peu différentes de la WWE, il fait des highlights lui-même des shows de la Chikara et la CZW, notamment. Allez faire un tour, je mettrai le lien dans les commentaires. N'oubliez pas le supplément SmackDown qui va arriver courant de la semaine. On va vous débriefer SmackDown, le show bleu. NXT tout seul le dimanche 14h. avec en 14h. Tapante, sûrement un talking catch si T'es le pas temps nous le confirmé? permet. D'accord, t'es pas confirmé? D'accord, ok. Si, ce sera sûrement possible. Ce Mais sera sûrement on sait possible. jamais. Donc voilà, ça sera 15h si c'est possible. Voilà. C'est Donc du coup, voilà, on va ça va enchaîner se 14 suivre. 15 h, c'est ça. Si vous avez rien d'autre à faire ce dimanche, la messe est finie, vous pouvez vous écouter. Qu'est-ce qu'on est? On est sur YouTube, on est sur PodCloud, on est sur iTunes, sur Twitter, c'est Catch Up CDC, Facebook, c'est Catch Up CDC. Yep. Voilà, bah, je crois qu'on n'a rien oublié. Non. Hank, merci beaucoup d'être venu. Et bah de rien, on fera Merci mieux à la prochaine fois. La semaine prochaine, ça va être nickel, aux petits oignons. Merci à tous d'avoir été sur le chat. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu, autant que ça nous a plu à nous de le faire. Et pensez à vous abonner, hein, pour ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui sont arrivés comme ça au hasard et tout. Il y a un petit truc, abonné, et puis la petite cloche, comme ça, vous savez tout ce qui sort. Si vous voulez retrouver le chemin, Voilà. et donc voilà. Allez, Gros t'avais quelque chose bisous! à ajouter? Non? Gros Non! bisous, et bonne semaine. Et à bientôt. Pas de semaine pleine de catch, salut! Ciao, ciao.